الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on va commencer aujourd'hui avec l'aide de notre Seigneur سبحانه وتعالى, avec l'aide d'Allah, l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى. Et donc, dans la dernière allocution, on avait fait une brève biographie de l'imam al-Bukhari. On avait mentionné et cité certains événements et certains faits de sa vie que vous pouvez retrouver. Ils sont relatés dans différents livres traitant de la biographie de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc, on s'est familiarisé avec certains faits, certains événements qui se sont produits à l'époque de l'imam al-Bukhari pour connaître un peu l'auteur de ce livre et la grandeur de l'auteur et la grandeur de cet imam. Et donc on va commencer, Inch'Allah, et on a dit pour comprendre justement le livre de l'unicité et ces hadiths qu'a recueilli l'imam al-Bukhari et donc qu'il a recensé, qu'il a mentionné, évoqué dans ce chapitre, on va s'appuyer sur un célèbre commentaire, une célèbre explication de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc, dans son explication de al-Bukhari, l'imam Cheikh, plutôt Cheikh al-Uthaymeen, donc va expliquer le livre de al-Tawhid, de l'unicité de l'imam al-Bukhari, et nous on va s'appuyer, on va essayer de traduire certains passages ici. Donc on va commencer. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الشارح ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد وابتدأه بالوحي لأن الوحي به الابتداء والتوحيد به الغاية ولهذا من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والتوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين النفي والإثبات لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. Donc on commence dans le commentaire, Inch'Allah. Donc Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, dans son explication, il commence et il dit que l'auteur, donc lorsqu'il dit l'auteur, bien entendu, il sous-entend l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit donc il a commencé son livre authentique, Jami' al-Sahih, par la mention du livre de la révélation. Comme on avait déjà mentionné, donc l'imam al-Bukhari avait commencé donc ce livre, l'authentique, avec le livre de la révélation, wa kitab al-Iman, et le livre de l'Iman. Et c'est pour cela que Cheikh Ibn al-Uthaymeen, il dit, il a commencé donc avec le livre de la révélation, pour commencer, et ensuite il a conclu avec le livre de l'unicité. Et là, il va nous enseigner un enseignement très pertinent. Il dit, lorsqu'il a conclu, لما ختم المؤلف رحمه الله كتابه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد, avec le livre de l'unicité, alors qu'il a commencé avec le livre de la révélation, pourquoi? Car il dit, la révélation était le début, et l'unicité, c'est la fin, c'est l'objectif, et le but. ولهذا من مات, c'est pour cela que celui qui meurt, et dont sa dernière parole sera « La ilaha illallah, dakhala al-jannah » comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith. Donc c'est pour cela que l'objectif et le but, c'est l'unicité. C'est ça l'objectif et le but. C'est ça le but à accomplir et à réaliser. Et donc dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam donc disait « Man mata wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Man mata » Et celui donc qui meurt et dont sa dernière parole sera « La ilaha illallah », il rentre au paradis. Et donc là, on comprend bien la manière de faire de l'imam al-Bukhari. C'était très judicieux d'avoir commencé par le livre par lequel il a commencé et d'avoir conclu ensuite son Jami' al-Sahih avec le livre de l'unicité. Et pour bien comprendre le sujet de l'unicité, Cheikh ici, Ibn al-Uthaymeen, donc c'est le commentateur, hein, c'est ce grand savant, c'est un grand savant, un éminent savant contemporain qui nous commente et nous explique. Alors, il va d'abord nous expliquer, linguistiquement parlant, quel est le sens en arabe, ce qu'on nomme at-tawhid, et ce qu'on traduit d'une manière linguistique ou d'une manière littérale, le monothéisme. Donc, il va nous l'expliquer, ce terme en arabe, d'une manière linguistique. Ensuite, il va nous l'expliquer avec sa définition religieuse. Donc, en citant sa définition linguistique, il dit at-tawhid dans la langue arabe. C'est le masdar de wahada yuwahidu, ay ja'ala shay wahidan. Premièrement, pour comprendre bien le sujet du monothéisme et de l'unicité, alors, il dit qu'il faut comprendre le terme en arabe. Et linguistiquement parlant, le sens dans la langue arabe de tawhid, c'est le masdar, c'est le nom d'action du verbe en arabe wahada yuwahidu, ay ja'ala shay wahidan. C'est le fait qu'une chose soit unique. Le fait de faire qu'une chose soit unique. Donc ça, c'est sa définition du terme, c'est-à-dire at-tawhid en langue arabe. Wala yatim at-tawhid illa idha tadammana shay'ayn. Et le cheikh ensuite va nous expliquer que ce monothéisme-là, cette unicité, puisqu'on traduit le terme at-tawhid par unicité, et là on est en train de parler d'un domaine de notre religion qui se nomme at-tawhid, l'unicité. Et il dit, pour que ce monothéisme et cette unicité soient complètes et parfaites, il faut deux choses. Ces deux choses qui sont inéluctables pour la complétude et la perfection et l'acceptation de ce monothéisme. Alors il dit ces deux choses, c'est an-nafi ou al-ithbat. C'est ce qu'on appelle la négation et l'affirmation. Li'anna an-nafi wahdahu ta'til wa ikhla wal-ithbat wahdahu la yamna' al-musharaka. C'est-à-dire que pour qu'un monothéisme soit accepté et complet, alors il faut qu'il y ait la négation et l'affirmation. Et il faut les deux ensemble. L'un ne suffit pas s'il est seul. Pourquoi le Cheikh nous explique directement ces deux choses, aussi bien l'affirmation que la négation? Pourquoi? Parce que le monothéisme, c'est d'être convaincu qu'il y a un Seigneur, un Créateur qui est unique. Et donc, c'est d'unifier ce Créateur. Et donc, si on unifie le Créateur dans l'adoration, alors il faut nier l'adoration à tout autre que lui, Subhanahu wa Ta'ala. Et de cela, il y a une affirmation et une négation. L'affirmation qu'il y a un Créateur qui est unique, et que c'est ce Créateur unique qui mérite l'adoration, ça c'est l'affirmation, donc on affirme cela. Et la négation, c'est nier toute adoration pour autre que lui. C'est-à-dire que autre que ce Seigneur et ce Créateur, qui est unique, ne peut mériter l'adoration, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on affirme l'unicité d'Allah, aussi bien dans la création, aussi bien dans l'adoration, comme on va le voir, et aussi bien à travers ses noms et ses attributs, comme on va voir dans ce qui va suivre. Et on nie tout cela, et ça c'est la partie de la négation, à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'unicité. C'est d'affirmer cette unicité pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et nier cela pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le Cheikh ici nous parle de l'affirmation et la négation, qui sont les deux piliers de la parole La ilaha illallah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'unicité, on parle du tawhid. Ce qu'il faut savoir, c'est l'explication du premier pilier de l'islam, puisqu'on rentre dans l'islam avec la parole La ilaha illallah, c'est-à-dire l'attestation. Donc pour qu'une personne rentre dans l'islam, alors il va professer, témoigner qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah, et il va témoigner aussi que Mohammed est le messager d'Allah. Et ça, c'est le premier pilier de l'islam. Donc la science et le savoir du tawhid, l'unicité, c'est l'explication de la parole La ilaha illallah. Et la parole la ilaha illallah donc a deux piliers, aussi bien l'affirmation que la négation. Ensuite, Cheikh, lui, il va mentionner les preuves à cela. Ensuite, il dit al-muhim. Ce qui est important de savoir, anna at-tawhid la yatimmu illa bi amrayn. Que le monothéisme, il ne saurait être complet si ce n'est avec deux choses. Et ces deux choses, c'est ce qu'on a cité précédemment, c'est aussi bien la négation que l'affirmation. لِأَنَّ النَّفِي وَحْدَهُ, parce qu'il va dire que la négation seule, elle ne suffit pas. وَإِخْلَى وَالْإِثْبَاتُ وَحْدَهُ لَا يَمْنَعَ الْمُشَارَكَ. Et aussi, l'affirmation seule ne suffit pas. Parce que si on affirme sans nier cette unicité à autre que lui, alors ça n'empêche pas donc qu'il aurait un associé. C'est pour cela qu'il faut inéluctablement qu'il y ait al-ithbat ou nafi, comme on dit en arabe, aussi bien l'affirmation que la négation. Donc ça, c'est le premier point que souligne Cheikh ici dans son commentaire. Et cela, il le mentionne. Donc là, lorsqu'on dit Cheikh, c'est le commentateur, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il le mentionne lorsqu'il a premièrement, expliquer la définition linguistique du terme at-tawhid. Donc on a dit précédemment que on commence pour comprendre le terme at-tawhid à l'expliquer d'une manière linguistique. Et donc il a dit que le terme en arabe at-tawhid, c'est ce terme-là qu'on traduit par l'unicité et le monothéisme. Alors c'est le nom d'action à la base. C'est un masdar du verbe en arabe wahada yuwahidu. Donc en arabe, le verbe on dit wahada, c'est le verbe au passé, et au présent, yuwahidu. Et on a dit son sens. Son sens est ay ja'al ash-shay wahidan. Ça, c'est son sens. Donc, ça, c'est dans la langue arabe, littéralement. Ensuite, maintenant, Shir va nous l'expliquer religieusement. Pourquoi ? Parce que les termes, ils ont un sens dans la langue arabe, un sens linguistique, et ensuite, ils ont un sens étymologique. Et c'est pour cela que Shir, maintenant, il va expliquer le sens dans la religion, dans l'étymologie religieuse. Et il dit, quel est le sens du monothéisme dans l'étymologie religieuse ? Il dit, فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ عِلْمًا وَعَقِيدَةً سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَوْ أَفْعَالِهِ وَعِبَادَتِهِ. Et là, donc, le sens religieux, la définition, donc là, on est en train de mentionner la définition. Donc pour ceux qui veulent apprendre, notez bien cela, la définition du tawhid, religieusement, c'est « Ifradullah ta'ala bima irtassu bih ». C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui lui sont particulières, propres à lui, subhanahu wa ta'ala, dans les choses qui sont spécifiques à lui, si vous voulez. « Sawan kana dhalika mimma yata'allaku bi asma'ihi wa sifatihi » ou bi af'alihi wa ibadati, que ce soit des choses qui sont liées à ses noms sublimes, ou bien ses attributs de perfection, ou bien des choses liées à ses actes, ou bien des choses liées à l'adoration. Donc je vous répète, la définition religieuse étymologique du terme tawhid, l'unicité, en arabe, les savants définissent tawhid religieusement comme étant إفراد الله تعالى بما يختص به بما يختص به. Donc apprenez le bien. سواء كان ذلك مما يتعلق بأسمائه وصفاته أو أفعاله وعبادته. Donc c'est unifier Allah dans tout ce qui lui est spécifique, particulier à lui, ce qui lui est propre. Que ce soit des choses liées à ses noms sublimes, ou bien ses attributs, ou bien ses actes, ou bien ses adorations. فَالَّذِي يَخْتَصُ بِاللَّهِ يَجِبُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَعَهُ غَيْرُهُ. C'est pour cela que Cheikh ensuite il nous explique, il détaille bien cela en disant que ce qui est spécifique et propre à Allah subhanahu wa ta'ala, il est une obligation pour le musulman et la musulmane donc de l'unifier dans cela. Allah est seul et unique dans cela. وَلَا يَجُوز أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَعَهُ غَيْرَ. Et il est strictement interdit de lui donner des associés, des semblables, dans ces choses-là qui sont propres et spécifiques à lui, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, les savants, il est célèbre, que les savants donc ont subdivisé cette unicité, ce tawhid, en trois catégories. Ils ont dit donc tawhid, faqad qassam al-ulama, rahimahumullah, al-tawhid ila thalathat aqsam. Tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat, wa tawhid al-uluhiyya, wa yuqal tawhid al-ibada. Pour cela, les savants, ils ont subdivisé le tawhid, l'unicité, en trois catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont dit que l'unicité se compose de trois catégories. La première catégorie, ils ont dit l'unicité dans la seigneurie. La deuxième catégorie, l'unicité des noms et des attributs. Et la troisième catégorie, l'unicité dans l'adoration. L'unicité de la divinité. وَيُقَالْ تَوْحِدَ الْعِبَادَةَ أَوْ تَوْحِدَ الْأُلُوهِيَةَ. Et ensuite, Cheikh va nous expliquer les trois. Ces trois catégories. Et les savants, lorsqu'ils ont mentionné, ils ont subdivisé l'unicité au tawhid de ces trois catégories-là, c'est pour nous faciliter la compréhension justement du monothéisme et du tawhid, pour qu'on puisse le pratiquer comme il se doit, et pour qu'on puisse connaître la complétude et la perfection de cette unicité. Et comme on l'a dit précédemment, c'est un sujet qui est très important. Pourquoi ? Parce que c'est le but. Le fait de réaliser ce monothéisme, c'est le but pour lequel on a été créé. Et c'est l'objectif qu'on doit observer, pratiquer, réaliser dans cette vie d'ici-bas. Voilà le but pour lequel on a été créé, donc on sera interrogé pour cette pratique de cette unicité. Et on a dit, c'est l'explication de la parole « La ilaha illallah », qu'il n'y a nul véritable adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, dans un hadith, il nous est rapporté que le prophète sallam nous dit « Il y aura partie de la communauté qui rentreront au paradis sans jugement et sans rendre de compte. Ils rentreront directement au paradis. » Et ces gens-là, ce sont des gens qui vont véritablement pratiquer l'unicité. C'est-à-dire, ça sera ceux qui auront la complétude et la perfection dans leur pratique. Hein. Ils auront la complétude et la perfection de ce monothéisme et de cette unicité. Ils vont pratiquer cela avec perfection. Et c'est pour cela donc qu'il est important. Donc le fait de connaître ces trois catégories-là, ça nous aide à comprendre avec perfection le monothéisme. Alors la première catégorie qu'a cité Cheikh ici, il dit « Tawhid al-Rububiyya wa huwa ifradullah » il dit « Bil khalq wal mulk wal tadbir » بأن تؤمن بأن الله جل وعلا لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله. Alors, lorsque les savants ont dit l'unicité de la seigneurie, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est de savoir qu'Allah est unique et seul à avoir créé. Allah est le seul souverain, maître, le seul gérant et administrateur de cet univers. C'est-à-dire, c'est croire qu'Allah Jalla wa Ala est le seul créateur, est le seul grand souverain, roi et gérant de cet univers. C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala est celui qui détient les particularités de la seigneurie. Il est le seigneur seul et unique. En plus, donc pour avancer hein, et résumer, on va avancer. Ensuite, il va citer la deuxième catégorie. La deuxième catégorie dit « Al-Qism Thani », donc c'est l'unicité des noms et des attributs. Il dit, pour bien qu'on puisse comprendre cela, « Wa huwa min tamam al-tawhid al-rububiyya al-haqiqa fi al-haqiqati. Lakin nass al-ulama wa alayhi li wujud al-khilaf fihi bayna ahli al-qibla, ay al-muslimin. Falidhalika ja'aluhu qisman mustaqilla. Wa illa fa innahu yata'allaqu bi dhat al-rab fa huwa min tamam al-rububiyya. Lakin nazaran إلى أن أهل القبلة أغني الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة اختلفوا فيه فجعله العلماء قسما مستقلا بذاته. Dans son explication de l'unicité des noms et des attributs, donc le Cheikh ici nous dit, en réalité, le tawhid des noms et des attributs, il vient compléter le tawhid de la seigneurie. C'est peut-être pour cela que Cheikh Ibn Al-Athaymin, ici dans son commentaire, il a cité le tawhid des noms et des attributs après avoir cité la catégorie de l'unicité de la Seigneurie. Pourquoi? Parce que lui, il dit que le tawhid des noms et des attributs, il vient parachever et compléter le tawhid qu'on a cité précédemment, le tawhid de l'unicité. En réalité, il dit cela. Lakin, mais il dit, Nassal ulama alayhi li wujud al-khilaf bayna ahli al-qibla. Pourquoi les savants ont cité cette catégorie? Donc, dans leur subdivision, pourquoi ils ont cité cette catégorie liée au nom sublime, aux attributs de perfection de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Du fait qu'il y a eu une divergence au sein de la communauté. Il y a eu une divergence à ce sujet, au sujet des noms et des attributs au sein de la communauté, et il a mentionné de manière plus précise, Beina Ahl al-Qibla, entre les gens qui s'orientent vers la Qibla, c'est-à-dire il veut sous-entendre les musulmans. Alors pour cela, les savants, pour cela, ils l'ont mentionné d'une manière indépendante. Ils ont consacré au tawhid des noms et des attributs cette catégorie indépendante des autres. Mais il dit, en réalité, cette catégorie-là, elle est liée à l'essence même et l'entité même du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min tamam ar-rububiyya. Pour cela, il dit que elle complète et parachève le tawhid, l'unicité de la Seigneurie. Lakin, nadharan ila an ahl al-milla, lakin nadharan ila an ahl al-millati أغني الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة اختلفوا فيه فجعله العلماء قسما مستقلا بذاته. Mais il dit du fait donc que les gens de la Qibla, le fait de la Milla, il dit, les membres de cette religion, ikhtalafu fi, ils ont divergé dans ce domaine, alors les savants ont consacré une catégorie indépendante pour ce tawhid qui est le tawhid des noms et des attributs. Enfin, tawhid al-asma wa sifat, pour mieux comprendre l'unicité des noms et des attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, s'est nommé dans le Coran. Et le prophète, dans sa sunna authentique, aussi, nous a informé au sujet de certains noms de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc notre Seigneur a des noms. Comme Allah jalla wa ala s'appelle Allah, mais il a d'autres noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Jabbar et autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. Ces noms sont des noms sublimes. Walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Et Allah dans un verset nous dit, à lui appartient les plus beaux noms, les noms sublimes, invoquez-le par ses plus beaux noms. Une traduction relative du sens du verset. Donc Allah a des noms qui sont sublimes. Et aussi, il a des attributs de perfection. Pourquoi? Parce que chaque nom induit, sous-entend un attribut. Un attribut de perfection. Donc, il faut unifier Allah dans ce domaine, à travers ses noms et ses attributs. C'est ça le tawhid, al-asma, wa sifat. Et donc, moi, je vous ai expliqué cela pour qu'on puisse comprendre bien cet exemple que va donner un cheikh ici, pour qu'on puisse bien comprendre ce sujet. Il dit. Donc, l'unicité des noms et des attributs, wa ifradullah bi asma'i wa sifatihi, bihaythu. نثبتها له إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. Donc affirmer, ici unifier Allah dans ses noms et ses attributs, c'est affirmer ses noms. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah Jalla wa Ala s'est affirmé comme nom ou attribut, nous devons l'affirmer, sans nier cela. Sauf que cette affirmation-là, elle ne doit pas être liée avec une forme de comparaison ou négation. C'est-à-dire que lorsque on affirme ses attributs pour Allah, ses attributs sont propres à lui et rien ne lui est semblable. Allah subhanahu wa ta'ala. Ses attributs, c'est comme cela-ci à sa majesté, sa magnificence, subhanahu et sa magnificence plutôt, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah jalla wa ala est unique en cela. Et donc, notre affirmation de ces noms se fait sans comparaison. Et sans négation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier. Nous devons affirmer ces noms sublimes, par lesquels Allah Jalla wa Ala s'est nommé dans son livre, ou bien On peut les retrouver aussi dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Cheikh va nous donner un exemple très clair. Il dit parmi, et là, il va nous donner un exemple d'attributs, puisqu'on a dit il y a des noms et il y a des attributs. Un exemple comme attribut. Misal, il dit Lillahi azza wa jaliyat. Allah jalla wa ala a l'attribut de la main. Walil makhluq yad. Et ces créatures, les êtres, ont l'attribut de la main aussi. Ils ont une main. Donc ils ont la main. Lakin yajibu an nuwahhid Allah biyadi. Mais il dit, lorsqu'on attribue cela à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que Allah jalla wa ala a bien et bien l'attribut de la main, il a une main, cette main lui est propre à lui. La main d'Allah jalla wa ala ne lui est pas comparable, n'est pas comparable à ses créatures. C'est-à-dire que la main des créatures n'est pas semblable à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on unifie Allah dans ce domaine. Bihaythu nuthbitu lahu yadan, c'est pour ça que lorsqu'on affirme la main pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette main est incomparable et elle n'est point semblable aux mains de ses créatures et des êtres. Li'annak law ja'alta yad al-makhluq mithla yad Allah jalla wa ala aw yad Allah mithla yad al-makhluq kunta bidhalika mushrikan. Et de ce fait, là, on va bien comprendre avec cette phrase que donne Cheikh en explication. Il dit, pour ce fait, si la main de la créature, tu la compares et tu la rends semblable à celle d'Allah, ou bien l'inverse, la main d'Allah, tu la compares et la rends semblable à la main de la créature, de ce fait, tu seras polythéiste. Tu auras associé, un associé, Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-asma wa sifat. Pourquoi? Parce que tu as donné un semblable à Allah jalla wa ala dans une chose qui lui est propre et spécifique à lui. Puisqu'Allah, rien ne lui est semblable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, sa main, on ne peut pas l'assimiler ou la comparer à la main de ses créatures. Car cet attribut lui est propre et rien ne lui est semblable et il sied à sa magnificence, subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. فالتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها. Donc c'est pour cela que l'unicité des noms et des attributs, c'est d'affirmer ces noms et ces attributs sans comparer ou sans lui donner de semblable. لمن للمخلوق من ذلك فقد يسمى الإنسان. Donc on ne peut pas comparer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces êtres qu'il a créés, on ne peut pas les comparer à lui. فَقَدْ يُسَمَّ الْإِنسَانِ. Par exemple, il va nous donner un exemple. Il dit parfois l'individu peut s'appeler Al-Aziz. Al-Aziz. Comme on retrouve ça dans le verset 51 de Sourate Yusuf. Où Allah dit قَالَتْ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ. قَالَتْ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ. Donc la femme de Al-Aziz a dit. Wallahu tabaraka wa ta'ala samma nafsahu al-aziz. Donc on voit que dans la sourate Yusuf, dans le verset 51, le maître de Yusuf ici, et ici il est stipulé, il est sous-entendu, la femme du maître de Yusuf, elle est mentionnée dans le verset, et le maître de Yusuf donc s'appelait al-aziz, le mari de cette femme qui est mentionnée dans le verset, qalat imra'atu al-aziz, imra'at, Al-Aziz, la femme de Al-Aziz. Donc, cet homme s'appelait Al-Aziz. Pourtant, Allah, Jalla wa'ala, parmi ses noms sublimes, il a le nom Al-Aziz. Donc, parmi les noms sublimes d'Allah, parmi ses noms, il y a Al-Aziz. Alladhi summiya bihi al-bashar, kal-Aziz alladhi summiya bihi Allah. Lakin, hal, et Cheikh ensuite pose une question, hal Al-Azizu, alladhi summiya bihi al-bashar, quel azizi alladhi summiya bihi Allah. Maintenant, la question que pose Cheikh, il dit, par contre, est-ce que Al-Aziz, ce nom-là, par laquelle a été nommé cet homme, et comme Al-Aziz, par laquelle a été nommé Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse est dit, la hunaka ikhtilafun kabir. Non, il dit, il y a une différence entre les deux. Une grande et immense différence. فَالْمَخْلُقَ قَدْ يُسَمَّ بِالْعَزِيزِ وَلَا عِزَّةَ لَهُ. Il dit parfois, l'homme, il peut être appelé Al-Aziz, alors qu'il n'a aucune puissance. Pourquoi? Parce que le terme, ce qu'il faut comprendre, pour bien comprendre l'exemple que donne Shir, le nom Al-Aziz, on pourrait le traduire le tout-puissant. C'est le puissant. Al-Aziz, c'est celui qui a Al-Izzah, la puissance. Subhanahu wa ta'ala. Donc une personne peut s'appeler Al-Aziz, mais il n'a aucune puissance. Par contre, lui, le créateur, il s'est nommé et appelé lui-même Al-Aziz, le Tout-Puissant, parce qu'il est le Tout-Puissant par excellence. Subhanahu wa ta'ala. Il dit par exemple, une créature, elle peut s'appeler Salih. Salih en arabe, ça veut dire le pieux, par exemple, le vertueux. Alors que cette personne qui s'appelle Salih, il n'a aucune piété et ce n'est pas une personne, par exemple, qui peut être vertueux, par exemple. Une personne, par exemple, peut s'appeler Khalid. Khalid, en arabe, ça veut dire l'éternel. Khalid. Alors qu'il va mourir, alors que cet individu va mourir. Donc c'est pour cela que parfois une personne possède des noms, mais n'a pas forcément... ne possède pas forcément tous les sens de ce nom. Lakin asma Allah jalla wa ala mushtamila ala ma'aniha at-tamma. Par contre, lui Allah subhanahu wa ta'ala, lui lorsqu'il est nommé par ces noms-là, il possède tous les sens que comprennent et renferment ces noms-là d'une manière parfaite et complète. فَبِذَلِكَ حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُثْبَتْ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى مِنَ الْأَسْمَى وَمَا يُثْبَتْ لِلْمَخْلُوقِ. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a une grande et grande différence, et là, de ce fait, on va bien comprendre cette catégorie d'unicité. Donc il dit qu'il y a une grande différence entre ce qui est attribué et affirmé aux créatures, aux êtres humains, et ce qui est affirmé au créateur de ces créatures. Il y a une grande différence. Donc c'est pour ça que lorsqu'on affirme une chose, on attribue une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses-là qu'on lui attribue, elles sont en aucun cas comparables à ces créatures. C'est ça le sens de l'unicité dans les noms et les attributs. Donc on doit unifier Allah jalla wa ala dans ses noms et ses attributs. Al-Qism al-Thalith, la troisième catégorie pour qu'on puisse avancer. Donc, je résume très vite pour qu'on puisse avancer, Inch'Allah. Al-Qism al-Thalith, il dit Tawhid al-Uluhiyya. Maintenant, c'est la dernière catégorie, la troisième. On a dit tout à l'heure qu'on traduit par l'unicité de la divinité ou de l'adoration. Wa huwa Tawhid Allahi bil-Ibada. Donc, c'est l'unicité dans l'adoration. Quel est le sens de cela? Bi an la yu'bad ghayrullah. C'est que ne soit adoré qu'Allah. Il n'y a que Allah Jalla wa Ala qui peut être adoré. C'est ça, unifier Allah dans l'adoration, c'est que cette adoration soit pure et exclusive à lui, subhanahu wa ta'ala. Nul autre que lui ne doit être adoré. Ayyan kana dhalika al-ma'bud. Et cela, qui que ce soit, ou quoi que ce soit, sawa'an kana malakan, aw rasulan, aw waliyan, aw salihan, aw sultanan, aw umman, aw aban, ou غَيْرَ ذَلِكَ لَا يُعْبَدْ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Que ce soit un ange, par exemple, ou un prophète, ou un messager, ou un saint, ou un pieux, un homme vertueux, ou un dirigeant, un homme qui avait une autorité sur les autres, ou bien que ce soit une mère, ou bien un père, nul ne doit être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même un ange qui serait rapproché d'Allah, les anges rapprochés d'Allah, on ne les adore pas. Que ce soit un prophète ou un messager qui soit rapproché d'Allah, on ne les adore pas. Que ce soit un saint, un homme pieux, un salih, ou un sultan, ou un dirigeant, ou bien une mère ou un père, on ne doit pas les adorer. L'adoration est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens de l'unicité de l'adoration. Et donc maintenant, vous avez vu, donc les savants, ils ont subdivisé le monothéisme et l'unicité en trois catégories. Ces trois catégories qu'on vient de citer. Donc l'unicité de la seigneurie, l'unicité des noms et des attributs et l'unicité de l'adoration. En ce qui concerne l'unicité de l'adoration par laquelle Shir ici a conclu la mention de la subdivision, il dit « Fadhakara al-ulama dhalika qisman bi-ra'si ». لأنه وقع في خلاف بين المسلمين وبين المشركين. Donc, il dit que les savants, par contre, ils ont bien mentionné et ils ont insisté sur le monothéisme de l'adoration. Pourquoi ? Parce que c'est dans celui-ci qu'il y a eu cet antagonisme, cette divergence entre les musulmans et les polythéistes. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que le prophète naquit au sein d'un peuple qui était polythéiste. C'est ce qu'on a appelé les polythéistes arabes. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à les appeler à l'adoration d'Allah, à l'islam. L'islam, c'était la soumission, donc à les appeler à l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été confronté à l'antagonisme et à l'animosité donc, des polythéistes arabes. Et donc, les polythéistes arabes donc, étaient en divergence avec le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le message du prophète, c'était d'appeler à l'adoration d'un Seigneur unique. Or, eux, ils ne niaient pas, comme on va voir dans ce qui va suivre, qu'il y avait un Seigneur, un Créateur de cet univers et de ce monde, et que celui-ci était Allah subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes arabes, au temps du prophète, sallam, ne reniaient pas le fait qu'Allah jalla wa ala, était le Créateur. Eux, la divergence avec le prophète, sallam, était sur le domaine de l'adoration. C'est pour ça que Cheikh ensuite il dit Al-Hasil, anna tawhid al-rububiyya lam yaqa fi khilafun bayn al-muslimin wal-mushrikin. Lakin at-tawhid al-uluhiyya aw al-ibada waqa fi khilaf bayn al-muslimin wal-mushrikin. Donc il dit, ce qui est important de savoir en conclusion, c'est que la divergence qu'il y a eu entre donc les musulmans et les polythéistes, entre le prophète et ses compagnons et les polythéistes arabes, n'était pas sur l'unicité de la seigneurie, n'était pas sur le fait qu'Allah Jalla wa Ala soit le créateur unique. Puisque eux reconnaissaient cela. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup de gens pensent que les polythéistes arabes, à l'époque, ceux qui étaient les adversaires de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup pensent qu'ils reniaient l'existence du Seigneur, ils reniaient l'existence d'Allah. Or, c'est faux. Eux croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient qu'Allah était le créateur de ce monde et de cet univers. Donc, c'est pour ça que Chéri dit, la différence qu'il y avait entre le prophète sallam, et les polythéistes arabes de son temps n'était pas sur l'unicité de la seigneurie, mais c'était plutôt sur l'unicité de la divinité et de l'adoration. C'est pour cela que les savants ont été très attentifs à mentionner cette forme de tawhid et cette catégorie plutôt de tawhid. Et tandis qu'il dit, comme on a dit précédemment, l'unicité des noms et des attributs, par contre la divergence, celle-ci est au sein de la nation et de la communauté musulmane. فصارت الآن هذه الأقسام ثلاثة أقسام من حيث اتفاق الناس عليها. Et de ce fait, c'est pour cela que les savants ont mentionné ces trois catégories, cette subdivision-là de l'unicité. إذن il dit لم يقع الخلاف بين المسلمين المشركين والمشركين في توحيد الربوبية. Pour cela, ils disent qu'il faut bien comprendre, comme on l'a bien stipulé là, dans ce qui a précédé, c'est que la divergence qu'il y avait donc entre les musulmans et les polythéistes, c'est-à-dire à l'époque du prophète, la divergence qu'il y avait entre le prophète et ses compagnons et les polythéistes arabes n'était pas sur l'unicité de la seigneurie, mais plutôt sur l'unicité de l'adoration. Et Chéri va mentionner maintes versets qui prouvent cela, que les polythéistes arabes à l'époque du prophète, même si c'était ses adversaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un antagoniste pour eux, et ils étaient les ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais eux ce n'était pas sur le fait qu'Allah était le créateur de toutes choses, ça ils le reconnaissaient. Eux, ce qu'ils ne reconnaissaient pas, c'est que l'adoration soit exclusive et pure et unique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, par exemple, il a cité de nombreux versets qui prouvent cela. Et entre autres, en l'occurrence, il a cité le verset lorsqu'Allah dit « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ » Et Allah, dans le verset Sourate Az-Zukhruf, le verset 87, il dit au prophète, sallam, si tu les interroges, si tu leur demandes Qui est-ce qui les a créés? Ils te diront, c'est Allah. Donc, qui est-ce qui les a créés? En sous-entendant, les polythéistes arabes, ceux qui à l'époque étaient les adversaires du prophète, sallam. Et donc, Allah dit au prophète, si tu les interroges au sujet de celui qui les a créés, ils te répondront, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce fait, on comprend de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna, stipulent bien le fait et confirment bien le fait que eux professaient et affirmaient l'unicité dans sa globalité, dans sa généralité, ils affirmaient l'unicité de la Seigneurie. Leur problème aux polythéistes arabes n'était pas l'unicité de la Seigneurie. Lakin at-tawhid al-uluhiyya waqa al-khilaf fihi bayna al-muslimin wal-mushrikin. Mais le réel problème donc qu'ils avaient ces polythéistes arabes, la divergence qu'ils avaient avec les croyants, c'était sur le domaine de l'unicité de la divinité. Pourquoi, maintenant, on va essayer de comprendre, mais pourquoi alors ils ne voulaient pas accepter l'unicité de l'adoration? Puisque leur problème, il était à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'eux vouaient adoration à différentes divinités, comme cela est célèbre. Donc eux, ils adoraient des statues qu'ils avaient eux-mêmes parfois façonnées. Ils adoraient d'autres divinités. Donc ils avaient énormément, énormément de divinités. Et ce Cheikh ici va nous expliquer, il va nous mentionner et préciser un point très important. Alors, ils avaient différentes divinités. Ya'buduna ma'allah ghayra. Donc eux, ils adoraient avec Allah autre que lui. Qu'est-ce qu'on comprend de la parole du Cheikh ici? C'est que réellement, ils adoraient Allah aussi. Sauf qu'avec Allah, ils adoraient d'autres divinités. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup ignorent que les polythéistes aussi adoraient Allah. Mais ce qu'Allah, Jalla wa ala, notre créateur, ce qu'il leur reprochait, c'est qu'ils adoraient en dehors de lui, autre que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils adoraient avec lui, autre que lui. Et cette notion-là, il faut bien la comprendre. Donc, le fait qu'ils avaient des divinités, le fait qu'ils avaient des adorés, ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas le fait qu'ils adoraient Allah aussi. Sauf qu'ils adoraient Allah et ils adoraient d'autres divinités. Et c'est pour cela que, par exemple, parmi leurs divinités qu'ils adoraient, il y avait Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal, Wa-Ghayraha min al-Asnam al-Kathira al-Mu'ayyana bi-Ayniha. Et d'autres encore. Vous avez vu? Donc ils avaient des divinités qui étaient célèbres. Comme par exemple une divinité qui s'appelait Lat, qu'ils adoraient. Il y avait une divinité chez les Arabes, à l'époque dans la péninsule arabique, qui était célèbre, qui était l'Uzza. Il y avait une autre divinité qui s'appelait Manat, comme cela est connu. Il y avait Hubal. Certains disent que c'est la première divinité qui a été introduite à la Mecque. Hubal. Et pour cela, Ghayraha min al-Asnam, et autres divinités encore. Sauf que ici, Shir va mentionner une faïda, un élément important. Il va faire la distinction entre les divinités qui sont al-mu'ayyana et celles qui sont ghayr mu'ayyana. Donc il va faire distinction entre deux catégories de divinités. Première catégorie de divinités, des divinités qui étaient mu'ayyana, qui étaient précisées. Des divinités qui étaient précisées. Elles sont précises. Et deuxième catégorie, des divinités non précises. Des divinités non précises. Donc moi, je traduis relativement de manière approchée comme cela. Ce qu'on appelle des divinités, il dit Al-Mu'ayyana, bi'ayniha, et des divinités qui n'étaient pas Mu'ayyana. Donc ces divinités qui étaient précises, c'est celles qu'on a mentionnées, par exemple, à titre d'exemple, celles qui étaient connues, qui étaient célèbres, comme dans la péninsule arabique, que les polythéistes arabes adoraient, et elles étaient connues d'une manière précise. Comme on a dit précédemment, Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal, et d'autres, et d'autres. Donc elles étaient mentionnées avec leur nom et elles étaient célèbres, elles étaient connues. Ça, c'est les divinités d'une manière précise, précisée. Celles qui n'étaient pas précisées, quelles sont-elles? Il dit, يعني أن المشركين لهم أصنام معينة بعينها ولهم أصنام غير معينة من سفههم أن الرجل منهم إذا نزل أرضا اختار أربعة أحجر ثلاثة منها يجعلها للقذر والأحسن منها يجعله إلها يعبده سفه عجيب. Alors Cheikh nous dit, ces divinités qui n'étaient pas précises, il faut comprendre, il dit. Il dit, les polythéistes donc, ils adoraient, ils avaient des divinités qui était connu, nommé, par des noms, comme on l'a dit précédemment, et d'autres divinités qui n'étaient pas connues pour avoir des noms précis, qui n'étaient pas précis, c'est ça la deuxième catégorie. Dufay, il donne un exemple. Il dit parfois les polythéistes, ils pouvaient voyager, et quand ils voyageaient, ils faisaient une halte, ils s'arrêtaient à un endroit précis, et ils pouvaient choisir quatre pierres. Ensuite, ce qu'il faisait, il allait garder trois pierres pour l'impureté, pour se nettoyer des impuretés, et la meilleure de ces pierres-là, il allait en faire une divinité, et donc adorer cette pierre-là. Et il dit, quel safa, il dit, safahun ajib, regardez cette stupidité, cette idiotie. Donc c'était comme ça que les polythéistes, donc vous avez vu, ils faisaient, vous avez vu que, donc ils avaient des divinités qui étaient connues, qui étaient bien précises, comme Allat, Al-Uzza, Wahubal, ces divinités qui étaient connues, et d'autres divinités, parfois qui étaient prises à l'occasion, qui n'étaient pas connues ou bien célèbres ou précises. Et de ce fait, cet exemple-là, pour bien qu'on comprenne, le chien nous a donné cet exemple, que parfois ils pouvaient voyager, donc ils vont trouver des pierres. Il est même mentionné des histoires, parfois ils voyageaient, ils prenaient des divinités avec eux. Lorsqu'ils voyageaient, ils prenaient les polythéistes arabes, c'était connu, au temps du paganisme et de Al-Jahiliya, le temps pré-islamique. Ils voyageaient avec des divinités, jusqu'à ce qu'il est même mentionné certains dans des récits, que mentionnent même certains compagnons. Ils disaient que parfois, ils voyageaient avec des divinités qui étaient même faites de dates. Donc, ils avaient toutes sortes de divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, comme on a dit précédemment. Donc, ils adoraient Allah, mais aussi ils adoraient d'autres divinités. Et lorsque Allah Jalla wa'ala a envoyé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour abolir cela. C'était pour leur interdire cela et qu'ils reviennent à l'adoration d'un Seigneur seul et unique qui est leur créateur et qui est celui qui mérite l'adoration. Comme je vous ai dit, l'exemple, parfois les polythéistes arabes, donc ils voyageaient, ils prenaient toutes sortes de divinités avec eux, qui les adoraient, et ils s'adonnaient à l'adoration de ces divinités pendant leur voyage. Et même rapporté, comme je l'ai dit précédemment, que parfois ils voyageaient avec des divinités qui étaient faites de dates, qui étaient faites en dates. Vous avez vu, ils avaient plusieurs catégories de divinités, ils pouvaient prendre une pierre, parfois ils pouvaient adorer un rocher, parfois ils pouvaient adorer un arbre, parfois ils pouvaient adorer un lieu, et autres. Et donc il est rapporté que parfois donc il façonnait certaines divinités avec de la date, et lorsque ils voyageaient et ils étaient en manque de provisions, alors parfois il est rapporté qu'ils mangeaient. Il est rapporté une fois qu'ils disent ils ont mangé la divinité qui était faite de date. Donc regardez, c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose d'idiot, c'était une idiotie leur adoration de ces divinités là. وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ النزاع فيه بين المسلمين الذين يستقبلون القبلة واحدة. Ensuite, Cheikh revient maintenant, après qu'il ait bien détaillé cela, il revient au tawhid des noms et des attributs, et dit tandis que dans le tawhid, l'unicité des noms et des attributs, donc ça, la divergence qu'il y a eu, c'est au sein de la communauté. Donc c'est pour cela que les savants ont bien fait de mentionner cette catégorie de monothéisme. Ensuite, Cheikh dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. Donc maintenant, une personne pourrait se poser une question. La question est, quelle est la preuve concernant cette subdivision, la mention et l'évocation de ces différentes formes de tawhid, lorsqu'on dit que le tawhid se divise en trois catégories. Alors il dit la preuve, si la personne se demande au sujet de la preuve. Il dit la preuve, les preuves, vous pouvez les retrouver dans, aussi bien dans le Coran que dans la Sunna. Il dit, la preuve, c'est le suivi et là, l'observation minutieuse des savants du Coran et des textes, c'est-à-dire de la révélation. Dalil ala had at-taqsim wa at-tatabbur, ce qu'on appelle en arabe at-tatabbur wa al-istiqra. Donc c'est le suivi, hein, après avoir suivi, médité les textes. Wa al-istiqra, c'est cette sorte de déduction. Alors les savants ont déduit cette subdivision et ces différentes formes de tawhid. Donc on les retrouve dans les textes. C'est une déduction à partir des textes de la révélation, que ce soit du Coran, bien dans la Sunna. C'est pour ça, à titre d'exemple, celui qui médite vraiment la sourate de l'ouverture, la sourate al-Fatiha, celui qui médite sourate al-Fatiha, il se rendra compte que les trois formes de tawhid sont mentionnées. فقال الشيخدي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا ما حصل من أنواع الشرك. Et de ce fait, les savants, ils ont bien suivi cela. Et avec leur observation minutieuse des textes, ils ont déduit, par rapport aux différentes formes de polythéisme qui se sont produites, donc qu'il y avait « فَوَجَدُوهُ يَدُرْ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَمِ الثَّلَثَ » Ils ont trouvé que cela tournait autour de ces trois catégories et ces trois choses qu'on a citées précédemment. ثم قال المصنف المؤلف رحمه الله. Donc maintenant on va. Et Cheikh, vous avez vu, Cheikh Al-Athaymin a commencé d'abord à nous expliquer Tawhid. Pourquoi? Puisque l'auteur dit Kitab Tawhid, donc il a voulu nous expliquer ici le terme du Tawhid. Et maintenant on a bien compris quel est le sens de l'unicité. Donc tout simplement pour résumer et conclure d'une manière très très simple, puisque peut-être parmi les frères ou les sœurs qui écoutent, peut-être que certains c'est la première fois qu'ils écoutent des cours liés au domaine de l'unicité, du tawhid. C'est pour ça qu'on essaye d'être bref, de résumer et que cela soit simple. Pour résumer, celui qui veut réaliser le monothéisme et l'unicité d'une manière pure, alors il doit unifier Allah aussi bien dans sa seigneurie, dans ses noms, à travers ses noms et ses attributs, et dans l'adoration. La seigneurie, c'est-à-dire qu'Allah est le Seigneur. Et donc, il détient les particularités de la seigneurie, du fait qu'il est le Seigneur, celui qui administre, celui qui gère cet univers. Et il est celui qui accorde la subsistance de ses serviteurs à ses serviteurs. Il est celui qui est le souverain ultime, le maître de cet univers. Il est celui qui donne la vie et la mort. Donc vous avez vu, tout ça, ça fait partie des particularités de la seigneurie du Seigneur. On doit l'unifier dans cela. Il est unique dans cela. Notre croyance et nos convictions, c'est qu'Allah est unique. Ça, c'est le monothéisme dans la seigneurie. Ensuite, on doit l'unifier dans l'adoration. C'est-à-dire que pour cela, notre adoration, on l'avoue à lui, seul, exclusif. Allah n'accepte pas qu'on lui donne des associés, aussi bien dans le domaine de la seigneurie, en disant qu'il y a un autre créateur avec lui, ou bien dans l'adoration en adorant autre que lui. Que ce soit des anges, des saints, des prophètes, des messagers. Et troisièmement, on doit l'unifier dans ses noms et ses attributs. Allah a des noms qui sont sublimes, il est le seul à les détenir, ces noms-là. C'est-à-dire que la perfection de ces noms-là, lui sont propres, comme on a dit tout à l'heure, Al-Aziz, celui qui a réellement la toute puissance, c'est lui subhanahu wa ta'ala. Et ses attributs, on l'unifie dans ses attributs en les affirmant, il ne faut surtout pas les nier, mais sans s'imaginer le comment de cet attribut et sans faire de comparaison, Allah n'a pas de semblable et sans altérer et falsifier le sens ou bien l'énoncé de ses attributs. Voilà le sens du monothéisme. Et donc tout à l'heure, on avait expliqué le sens linguistique dans la langue arabe et le sens étymologique religieux du terme Tawhid. Ensuite, Cheikh, maintenant, continue. Il dit, l'imam al-Bukhari donc, a dit Kitab al-Tawhid. Et dans un autre manuscrit, il est dit, وَفِي نُسْخَةٍ الرَّدْ عَلَى الْجَهْمِيَّ. Il est rajouté la réfutation au djahmisme, au djahmite, si on peut le traduire comme ça en français, al-Jahmiyya. Donc, comme on avait dit dans une allocution précédente, à la base, beaucoup de savants disent que l'imam al-Bukhari a mentionné ce chapitre-là, ce livre-là, le livre de l'unicité, en réfutation aux Jahmites, à cette secte de al-Jahmiyya, cette doctrine qui est apparue dans les premiers siècles. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer qu'est-ce que al-Jahmiyya. Il nous dit al-Jahmiyya, ce sont les adeptes et les partisans, les suiveurs d'un homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Donc cet homme-là, c'était l'une des têtes dans les premiers siècles de l'innovation, de l'hérésie. C'est pour cela que cet homme-là a joué un rôle central pour la propagation de l'innovation dans notre religion. Al-Jahmiyya, donc c'est pour ça, ce qu'on appelle Al-Jahmiyya, c'est les partisans de cet homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Et Jahm ibn Safwan, donc, est décédé en 128 de l'Hégire. Vous avez vu, il va décéder au début du deuxième siècle. au début du deuxième siècle. Donc lui, il est apparu à la fin du premier siècle. Et lui, justement, donc ensuite, il va être à la tête, il va devenir une figure emblématique, emblématique de l'hérésie et de l'innovation. Jem ibn Safwan, en réalité, il n'est pas la tête, le fondateur de la négation. Puisqu'on va voir que dans la pensée des Jahmites, il y a la négation aussi bien des noms sublimes et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, lui, ce n'est pas lui qui a fondé cette innovation. Mais lui, il a repris ces idées-là à son compte. Ensuite, il les a propagées. De ce fait, ensuite, il est devenu, en quelque sorte, le fondateur de cette doctrine, de cette secte qui est apparue dans les premiers siècles de l'islam, Al-Jahmiyyah. Sinon, le premier fondateur de cette pensée négatrice, ce qu'on appelle la pensée négatrice, c'est un homme qui s'appelait Al-Jahd ibn Dirham. Et c'est pour ça que Al-Jahm ibn Safwan, lui, en réalité, était suiveur et adepte de Al-Jahd ibn Dirham. Donc, comme on a dit précédemment, il a repris les idées de cet homme qui s'appelait Al-Jahd ibn Dirham à son compte. Ensuite, il les a propagés et il devient donc la figure emblématique de cette secte et de ses idées, de ses pensées. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans sa biographie que le Jahm, c'était un homme qui était fasih. Le Jahm kana fasihan baligan nashita. C'était une personne qui était éloquente. Il était éloquent et c'était une personne qui avait l'art du débat. Il avait une motivation dans cela. Et c'est pour cela que lui, il a fait bouger cet appel-là et cette prédication-là, d'appeler à ce qu'on appelle at-ta'til, qui est la négation. Donc, son madhhab, son école de pensée, est basée et fondée sur la négation. Ensuite, il a propagé ça et il débattait et il polémiquait pour justement propager ces idées-là. Donc c'était un grand polémiqueur, il était connu dans l'art de la polémique. Et Jahm ibn Safwan, il est même rapporté qu'un jour, un jour il a eu un débat avec ce qu'ils ont appelé les chamanistes. Il dit c'est probablement des Indiens qui venaient de Khorasan. Donc ce débat il l'a eu avec des Indiens qui venaient de Khorasan. Et lorsque, on a dit précédemment, il aimait polémiquer, il aimait les débats. Et par contre, ce débat-là, ça l'a laissé perplexe. Ce qui laissa en lui des traces indélébiles, à tel point, qu'il est dit qu'ensuite, il a sombré dans des formes de doute. Il a commencé à douter sur beaucoup de questions. Les chamans, ces sortes d'indiens, polythéistes, ceux qui sont appelés les chamanistes, eux, ils croyaient en la prééternité de l'univers, à la manière des agnostiques. Et aussi, ils croyaient en la réincarnation. Ils reniaient aussi la résurrection. Et certains savants les ont fait ressembler aussi aux Mazdéens, aux Majus. Et pour eux, la connaissance et même l'existence incarnent tout ce qui est à la portée des cinq sens. Pour eux, c'est ça la connaissance. La connaissance et l'existence, c'est ce qui incarne tout ce qui est à la portée des cinq sens. Et lui, Jahm ibn Safwan, cet homme-là, cet hérétique, un jour il est rapporté qu'il a débattu avec eux. Et ces gens-là, ensuite, ont fait tomber Jahm ibn Safwan dans une perplexité, dans un doute sur beaucoup de questions. Et de ce fait, il reviendra justement avec une nouvelle pensée. Il reviendra avec des pensées étranges et des pensées qui ne font pas partie de l'islam. Et justement, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a relaté des passages de ce débat entre Jahm et eux. Pourtant, comme on l'a dit, c'est un grand polémiste. Mais ces païens, puisque c'était des païens, ils lui proposèrent des choses et puis lui, il est rentré dans le jeu de ces païens. El-Muhim, on ne va pas évoquer le débat, peut-être dans une autre circonstance on évoquera les détails de ce débat. Mais pour avancer, donc Djem ibn Safwan, donc, sa pensée était basée sur la négation. Et donc, il avait repris cela d'un homme qui était venu avant lui, cette pensée-là aussi, la vérité d'un homme, qui était Al-Jad ibn Dirham. Et Shir va nous mentionner quelque chose de très important. Il va dire la pensée de Jad ibn Dirham. Donc Jad ibn Dirham, il est rapporté qu'il est décédé, certains disent en 105 ou en 106, à peu près, de l'Hégire. 106 de l'Hégire. Donc au début du deuxième siècle. Et pour cela, ça c'est important. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Jam ibn Safwan, cet hérétique, qui est à la tête de l'une des premières sectes et fractions qui est apparue dans et qui a émergé dans le monde musulman, ce qu'on appelle la secte des Jahmiya, lui, Jam ibn Safwan, donc, a été influencé par les idées de Jad ibn Dirham. Et comme on a dit précédemment aussi, le débat qu'il a eu avec les chamanistes, ça n'a pas, avec les hindous, ça n'a pas arrangé les choses. Al-Muhim, Shir va nous expliquer ensuite que leur école de pensée était bâtie sur deux choses. Cette pensée mauvaise et démoniaque, sur quoi était fondée leur école de pensée, elle était bâtie et fondée sur deux choses, Shiri nous dit. Awalan inkar al-mahabba. Et deuxièmement, inkar kalam al-kalam lillah. Donc leur pensée, Jad ibn Dirham, leur innovation, hein, leur école de pensée était bâtie sur deux choses. Sur deux pensées mauvaises, comme on a dit, et démoniaques. La première chose, c'est leur désaveu de l'amour, qu'on va expliquer dans ce qui va suivre. La première chose, leur désaveu de l'amour. Et la deuxième chose, leur désaveu de la parole du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez compris, lorsqu'il est dit leur désaveu de l'amour, c'est-à-dire de l'amour du Seigneur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les nouvelles choses qu'ils ont rapportées, les hérésies qu'ils ont rapportées, il y avait le fait qu'ils ont nié l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils ont nié que, par exemple, Allah ait pris comme ami Hatim le prophète, le messager Ibrahim, alayhi salam. Et aussi, ils ont nié la deuxième chose, le fait qu'Allah puisse parler, subhanahu wa ta'ala. Et Shaykh Al-Athaymin insiste sur ces deux choses. Pourquoi? Parce qu'il dit que leur madhab, leur école de pensée, était bâtie sur ces deux choses. Premièrement, Inkar al-Mahabba, pour ceux qui notent, qu'ils veulent noter. Et deuxièmement, Inkar al-Kalam lillah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont dit, Allah n'aime pas. Et Allah ne parle pas, tout simplement. Et Shiri dit, cette pensée-là, c'est une pensée destructrice de l'islam, tout simplement. Parce que penser cela, nier l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nier le fait qu'il parle, tout simplement, c'est une pensée qui détruit l'islam dans sa totalité. Pourquoi? Parce que le fait de nier qu'Allah puisse aimer et le fait de nier qu'Allah parle, eh bien cette pensée-là, c'est, comme il dit, هُوَ هَدْمٌ لِلْدِّينِ كُلِّهِ فَإِذَا كَانَ لَا يُحِبْ فَقَدْ صَارَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ عِنْدَ اللَّهِ سَوَى. Il dit par exemple, s'il nie le fait qu'Allah puisse aimer, donc c'est comme si qu'il mette au même niveau les croyants et les non-croyants. Et à savoir aussi que l'islam est basé sur cela. Le fait que le croyant sait qu'Allah, Jalla wa'ala, aime ses serviteurs. Et pour cela, Allah fait miséricorde. Et Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément, subhanahu wa ta'ala. Et donc les croyants espèrent justement être aimés et espèrent l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les croyants, à travers leur adoration, ils adorent Allah, Jalla wa'ala, par amour. Et ils veulent aussi bénéficier et avoir cet amour d'Allah, Jalla wa'ala, pour qu'Allah nous agrée, subhanahu wa ta'ala. Et si on dit aux gens qu'Allah n'aime pas, alors, ici, c'est détruire la religion de l'intérieur. C'est pour ça que Shiri dit, ces pensées-là, cette hérésie-là qu'ont propagé, ces innovations-là qu'ont propagé Jam ibn Safwan, hein, à la base, il les a prises de cet homme qui s'appelait Jad ibn Dirham, eh bien, sont des pensées destructrices de notre religion. C'est pour ça que les savants, dès les premiers siècles, ont réfuté cela. Et lui-même, donc, vous comprenez pourquoi l'imam al-Bukhari, donc, rédige le livre de l'unicité en réfutation à al-Jahmiya. « وَإِذَا كَانَ لَا يَتَكَلَّمْ صَارَتَ الشَّرَائِعَ وَالْخَلْقِ سَوَى يَعْنِي أَنَّ حُكْمَهُ الْكَوْنِي وحكمه الشرعي سواء، وهذا تعطيل واضح. وعلى هذا فنقول الجعد بن درهم زعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهذا إنكار التأويل. Et ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va commencer à nous expliquer la pensée, détailler la pensée de Jihad ibn Dirham. Al-Muhim, nous, on va avancer jusqu'à ce que, ensuite, l'imam al-Bukhari va mentionner le premier hadith. Il va mentionner le premier hadith dans son authentique. Et donc, avant, il va mentionner un chapitre. Avant de mentionner le premier récit, l'imam al-Bukhari va mentionner un chapitre, et le premier chapitre qu'il mentionne donc, c'est « Bab ma ja'a fi du'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ila tawhidillahi tabaraka wa ta'ala ». Donc le premier chapitre qu'a mentionné, évoqué l'imam al-Bukhari dans le livre de l'unicité, c'est le chapitre concernant ce qui est venu par rapport à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam au monothéisme, c'est-à-dire l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa communauté au monothéisme. Et donc il va mentionner des hadiths, des récits qui montrent bien que le prophète sallam a appelé sa communauté à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce chapitre sera dédié à l'appel du prophète sallam, au fait que le prophète sallam a appelé sa communauté à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh ici Ibn Uthaymeen illustre cela et fait il y a une bonne parole ici qui est très pertinente à méditer. Il dit تحقيق التوحيد من الأمور العظام. Il dit en réalité la réalisation du monothéisme du tawhid c'est quelque chose de grand, d'immense. فعبادة الله وحده والإخلاص للعبادة له أمر عظيم جدا ليس بالسهل. Cheikh nous dit, regardez, il dit l'adoration d'Allah, le fait de vouer un culte pur, exclusif et sincère à notre Seigneur, il dit c'est quelque chose qui est tellement grand, tellement immense que cela n'est pas facile. Wa laysa bil yasir. Il dit c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Wa li hada qala ba'd as-salaf. Pour cela, il disait que des pieux prédécesseurs disaient « Ma jahadtu nafsi ala shay'in mujahadataha ala l'ikhlas ». Certains pieux prédécesseurs et hommes vertueux des premiers siècles de l'islam disaient qu'ils n'avaient jamais combattu leur propre personne. Ici, il parle du combat qu'on fait sur soi-même. Ces gens-là disaient, ces pieux disaient, qu'ils n'avaient jamais fait ce combat sur eux-mêmes d'une chose plus difficile, si ce n'était pour la sincérité. Que le combat qu'ils faisaient pour eux-mêmes, le plus grand combat qu'ils ont fait sur eux-mêmes, c'était ce combat-là d'être sincère. Et ça, c'est une parole de nos pieux prédécesseurs. C'est pour ça que « فَالنَّفْسُ تَحْتَجِ إِلَى جِهَادٍ فِي تَحْقِيقِ هَذَا التَّوْحِيدِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَنَزَلَتْ بِهِ الْكُتُبُ بَلْ مِنْ أَجْلِهِ خُلِقَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فجميع الرسل دعوا اممهم الى التوحيد وكل الرسل وعلى راسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعا الى التوحيد في مكه وفي المدينه بالقول وبالفعل. C'est pour ça qu'il dit cette parole qui est très pertinente. Il dit c'est pour ça que la personne pour réaliser ce monothéisme et le tawhid, il doit faire vraiment, pour la réalisation de ce but et de cet objectif pour lequel on a été créé, vraiment un combat énorme sur soi-même. Il doit être sincère dans son culte et dans son adoration. Et Cheikh nous dit ici, la sincérité, ce n'est pas quelque chose de facile et de aisé. C'est même voire difficile. Donc ça demande un travail sur soi-même qui est constant. C'est pour cela que pour réaliser ce tawhid avec lequel est venu les prophètes et les messagers, c'est-à-dire pour lequel Allah Jalla wa Ala a envoyé des prophètes et des messagers, et Allah Jalla wa Ala pour ce tawhid, il a descendu des livres, et c'est pour cela que Allah Jalla wa Ala aussi il a créé les djinns et les humains. C'est pour cette cause-là qu'Allah Jalla wa Ala a créé les djinns et les humains, tout simplement pour réaliser le monothéisme pur, c'est-à-dire l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous dit que tous les prophètes et les messagers ont appelé leur nation et leur communauté à adorer un Seigneur unique et à leur tête, celui qui a scellé et conclu ce message, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et le prophète n'a jamais cessé d'appeler à cela, que ce soit à la Mecque ou bien que ce soit à Médine, et que ce soit à travers ses actes ou à travers ses paroles. Voilà maintenant comment conclut cette partie-là Cheikh Ibn Uthaymeen dans son commentaire. Et ensuite, il mentionne le premier hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari dans ce chapitre. Donc on a dit le premier chapitre qu'on étudie, c'est le chapitre concernant l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa communauté au monothéisme. Et donc l'imam al-Bukhari ici va mentionner les preuves. Qala al-imam, on va juste se quitter sur cela en mentionnant le premier récit. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala hadathana Abu Asim حدثنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن محمد ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Donc l'imam al-Bukhari va mentionner ce premier récit qu'il rapporte d'après Abu Asim, d'après Zakaria ibn Ishaq, d'après Yahya ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Saifi, d'après Abi Ma'bad, d'après le compagnon Abdallah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mu'adhan ila al-Yaman. Mu'adh, donc le compagnon, Mu'adh ila al-Yaman. Donc demain, Inch'Allah, dans la prochaine assise ou la prochaine allocution, on expliquera ce récit et on mentionnera le deuxième hadith puisque ces deux hadiths, les deux premiers hadiths qu'a mentionné l'imam al-Bukhari sont liés. Et on expliquera ces hadiths, donc on commencera donc l'étude vraiment des hadiths et des récits donc qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.